Activité 4, page 59. Piste 45. A. J'ai mal au genou gauche. B. Il a mal à la main droite. C. Ils ont mal aux jambes. D. Elle a mal à l'œil gauche.